sous les trois guerriers, que le choix d'Albonor. Seigneur, l'ignorez-vous encore? Achevez, qui? Pour le frères unis. Vous semblez vous confondre, blâmeriez-vous ce choix? Il a dû me confondre, je m'estimais trop peu pour un si grand honneur. Au Sénat, que dirais-je, Seigneur? Que mon cœur pénétré de cette grâce insigne n'osait pas y compter. Qu'il s'en rendra digne.